La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, pourquoi la Lune ? Comparée à la planète autour de laquelle elle orbite, la Lune est le plus gros satellite connu du système solaire. Avec un rayon orbital de moins d'un demi-million de kilomètres, elle domine nos cieux quelle que soit sa phase, sauf à la nouvelle Lune. Son visage a inspiré les poètes, les amoureux, parfois les deux en même temps, les astrologues, les inventeurs de calendriers, les prêtres et les chefs de guerre. Elle habite nos pensées, illumine nos nuits et rôde dans nos rêves. En s'imposant à nos regards, cette déesse de la nuit que les Grecs appelaient Sélénée a fécondé notre imaginaire et sans doute modelé notre psyché. Mais ce n'est qu'au début du XVIIe siècle que l'idée d'aller sur la Lune sembla envisageable lorsque Kepler rédige Somnium, ouvrage qui raconte le voyage d'un jeune homme jusqu'à l'astre. Deux siècles plus tard, en 1865, Jules Verne publie De la Terre à la Lune. Dans ce roman, trois hommes d'affaires s'envolent vers la Lune grâce à un canon baptisé le Columbiad, mais ils sont laissés à un destin incertain. En 1901, c'est au tour de Wells de rédiger Les premiers hommes dans la Lune. Le vaisseau spatial qu'il invente sur le papier est une sphère en fer recouverte d'une peinture antigravifique qui permet à ses passagers de rejoindre la Lune. Mais une fois là-bas, ils sont confrontés à des vaches lunaires encombrantes, à des plantes très dangereuses et à une race d'insectes humanoïdes guère sympathiques que Wells nomme les Sélénites. Chacun connaît la suite de l'histoire qui transforma les romans du XIXe siècle en un mélange de science, de technologie, de courage et de politique. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong descendit les échelons du module Eagle pour poser le pied sur la Lune et même les deux pieds. En France, il était 3h56 du matin. 50 ans plus tard, que savons-nous sur la Lune ? Par quoi continue-t-elle de nous inspirer ? Des hommes et peut-être des femmes y retourneront-ils ? Et pourquoi y faire ? Pour discuter ces questions, j'ai invité Sylvain Boulet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Sud, où vous enseignez la planétologie et les sciences de la Terre, et vos recherches sont principalement consacrées à l'étude des surfaces planétaires, notamment à celle de la planète Mars, mais aussi la Lune. Vous êtes spécialiste des cratères d'impact. Et j'ai également invité Jean-Philippe Usan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien à l'IAP, et vous venez de publier un livre intitulé « Big Bang ». Tout à fait. Alors, ma première question est une question un peu personnelle. Quel âge aviez-vous, en négatif, j'imagine, le jour où Armstrong a posé le premier pied sur la Lune en juillet 69? Je commence par le plus jeune. Moi, j'avais moins 13 ans. Sylvain Boulet. Moins 13 ans. Moins 13 Donc, ans. Effectivement, je suis né dans un monde où l'homme avait déjà posé... Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu parler par quelqu'un, vos parents peut-être, de cet événement? Il y a un film qui m'a marqué quand j'avais 8 ans, donc en 90, c'était L'étoffe des héros. Et L'étoffe des héros était vraiment le moment où j'ai découvert toute cette conquête spatiale, où on n'a pas entendu parler des premières missions Mercury, Gémini, et qui effectivement sont arrivées sur mission vous Apollo. Vous avez quel âge? 8 ans. 8 ans. Et vous, Jean-Philippe Usan ? Alors moi, j'avais juste 3 mois. Je pense qu'il a posé le pied entre deux biberons, je crois que c'est à peu près ça. Donc j'en ai pas conscience. Mais c'est vrai que la Lune était présente pendant toutes mes années, on va dire, d'école primaire. Je me rappelle qu'on jouait beaucoup aux astronautes. On voulait être astronaute, cosmonaute même, parce qu'il y avait aussi l'épopée soviétique qui était en arrière-plan. Et que c'était un imaginaire, en fait, de jeu avec les combinaisons, les lanceurs, les fusées. Et que ça faisait partie de cet imaginaire-là. Mais est-ce que cet événement que ni l'un ni l'autre n'avait vécu en direct a joué un rôle, d'après ce que vous pouvez savoir, dans votre vocation d'astronome, d'astrophysicien, votre goût pour l'espace et la physique? Je pense que comme tout gamin, comme tu le disais, Jean-Philippe, on a envie d'un moment donné de se dire qu'on va aller dans les étoiles. Moi, j'avais ce rêve d'aller sur la Lune, effectivement, de faire comme dans les films, etc. Donc, forcément, ça a influencé ce qu'on est, puisqu'on a grandi dans un monde où on connaissait des choses sur la Lune, et ça grâce aux missions Apollo. Donc, finalement, l'environnement, la littérature, les livres, les revues, tout ça, c'est basé sur le fait que l'homme était sur la Lune. Donc, indirectement, oui, il y a eu une conséquence importante. Il y a une conséquence, mais pour moi, elle n'est pas directe du tout. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, par exemple, j'ai jamais fait de club d'astronomie ou de choses comme ça, et la Lune était le seul astre, finalement, auquel je pouvais avoir accès de façon... C'est pour les astronomes paresseux. Pour les paresseux, pour ceux qui n'ont pas d'équipement, pour ceux qui vivent dans les villes. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en fait, la Lune est présente partout, en fait, les calendriers, la mythologie, l'histoire. Et je crois que, en fait, la Lune, pour moi, elle est plutôt, elle est rentrée dans ma vie par plein de petits chemins, par des textes, mais pas par sa stature astrophysique, on va dire. Alors, quand on voit la surface de la Lune, notamment depuis qu'on y a mis le pied, on voit que c'est quand même un paysage assez désolé. Et la surface a été martyrisée par des chutes de météorites. Alors, est-ce qu'on est capable, à partir d'elle, de raconter l'histoire de la Lune? Qu'est-ce qu'on connaît de sa formation, par exemple? C'est étonnant. Et comment elle est liée à la formation de la Terre? C'est étonnant, en fait, de se rendre compte qu'on connaît la Lune seulement depuis le moment où on s'y est posé. Parce que finalement, avant les années 60, eh bien, on ne connaissait rien à la Lune. Il a fallu s'y rendre. Et ça, c'est assez extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on commence à s'amuser à décrire les exoplanètes, à faire des hypothèses. Et je pense qu'on ne connaîtra pas une exoplanète tant qu'on ne s'y sera pas posé. La Lune, 1969, 50 ans, c'est rien. Et finalement, on retrouve dans les livres des années 50 encore, finalement, de dire que la Lune est dominée par le volcanisme, que tous ces cratères d'impact qu'on voit ne sont pas des cratères d'impact, ce sont des volcans. Et ça, c'est fantastique parce que ne serait-ce que de dire ça, que c'était que des volcans, on n'avait rien compris à la Lune dans les années 50. Et c'est véritablement cette conquête lunaire qui a ouvert finalement la compréhension de la Lune. Mais quand est-ce qu'on a compris qu'il n'y avait aucune activité sismique dans la Lune? Alors, il y a un petit peu d'activité sismique parce que on a les missions Apollo justement entre 69 et 72 ont installé quelques sismomètres à la surface de la Lune. Les sismos ont marché jusqu'en 1977 et non seulement on a ressenti des impacts, mais on a ressenti quand même des moonquakes, donc des tremblements de terre profonds. Tremblements de Lune, ouais, voilà. Des tremblements de Lune profonds qui montrait quand même une petite activité et notamment liée à un refroidissement de la Lune. Donc il y a quand même des petits tremblements. Sylvain Boulet, vous avez dit, on ne savait rien sur la Lune avant les missions Apollo, mais en fait un astronome qui s'appelle William Anders, qui était un des passagers d'Apollo 8, qui ne s'est pas posé sur la Lune, mais qui a fait le tour de la Lune, à son retour a écrit ceci: nous avons parcouru tout ce chemin pour étudier la Lune et en réalité ce que nous avons fait, c'est découvrir la Terre. Le fait de la voir, notamment à l'occasion d'un lever de Terre, en fait, il n'y a pas de lever de Terre, puisque la face de la Lune est toujours la même, donc on ne voit jamais la Terre se lever depuis la Lune quand on est sur la face qui est visible depuis la Terre. Il faut faire le tour de la Lune pour voir un lever de Terre. Je pense que c'est le moment où on a effectivement découvert la Terre de loin, c'est-à-dire cette petite boule miniature. Et effectivement, il faut peut-être prendre de la distance pour mieux connaître le corps. Et moi, j'aime bien notamment la fin du 19e siècle quand on décrit la Lune. Finalement, le fait d'être sur Terre et d'observer la Lune, eh bien, on dit clairement, on a l'impression de connaître mieux la Lune que notre propre Terre, parce que finalement, on la voit de loin. Alors évidemment, on sait la décrire. Les premiers télescopes, les premières lunettes astronomiques nous ont permis de voir les paysages lunaires, mais par contre de ne pas les comprendre. Et effectivement, la fin 19e siècle, on ne comprend rien. On en est encore aux forêts de séquoia, au fond des mers lunaires. Donc c'est vrai que cette compréhension de la Lune, finalement, elle est très tardive. Et ça, c'est passionnant parce qu'on est sur une science finalement toute nouvelle. Mais par exemple, depuis quand est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune? Alors, l'atmosphère, je pense, début du 20e siècle, j'ai pas la date précise, mais je sais, il y a des écrits à la fin du 19e qui discutent de ça, qui dit, alors premièrement, il n'y a pas de nuages, donc... a priori, pas d'atmosphère comme sur la Terre. Mais par contre, certains astronomes pensent avoir vu, au moment, par exemple, d'occultation stellaire, la luminosité de l'étoile baisser juste avant de disparaître derrière le disque lunaire. Donc, ils pensent qu'il y a un léger voile autour de la Lune. Et donc, on est dans l'interprétation, fin 19e siècle, en se disant, bon, peut-être que s'il y a une atmosphère, elle est collée à la surface de la Lune. Parce que c'est un gaz qui est juste... qui rase le sol et point barre. Et c'est vrai qu'on est dans cette interprétation et on se rend compte après que... Mais par exemple, il y a des astronomes des siècles passés comme Cassini, Herschel et plus tard Flammarion qui ont rapporté avoir observé ce qu'ils appelaient des lueurs ou des nuages ou des points brillants à la surface de la Lune. Et quelle origine attribue-t-il à ces phénomènes? Alors ça, quand on sait maintenant que c'était des impacts de météorites. Ça, c'est fascinant, voilà. Effectivement. On a parlé, alors au début, on a pensé que c'était des aurores, on a pensé au volcanisme. Beaucoup décrivent avec un volcanisme très ardent à partir de ces lumières. On parle, voilà, on compare aux volcans terrestres. Et effectivement, pendant près de 5 siècles, on a observé ces petites lueurs. Et au final, il a fallu attendre la nuit du 17 au 18 novembre 1999 pour comprendre que c'était des impacts de météorites. C'était pendant une pluie d'étoiles filantes, les Léonides, où effectivement, en une nuit, on a vu 20 flashs d'impact liés justement... En même temps sur la Lune. Exactement. Ouais. Et avant, on se doutait qu'il y avait des impacts, mais on les avait jamais détectés, tout simplement parce que nos caméras étaient pas assez rapides. Et vous voyez que pendant 5 siècles, on a décrit ces flashs. Le 21 janvier dernier, lors de l'éclipse totale de Lune, il y a eu un flash qui a été observé par bon nombre d'astronomes amateurs. Ça, c'est fascinant. On arrive à avoir une clarté comme ça, qu'on voit à l'œil. En même temps qu'il y a l'éclipse, on voit un flash lumineux qui vient d'un impact. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit un objet qui mesure quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres, qui arrive à pleine vitesse, qui va fondre le matériel, qui va éjecter un nuage de gouttelettes fondues, et thermiquement, ça va envoyer de la lumière vers la Terre. Et on voit la création en direct, la formation d'un nouveau petit cratère qui mesure quelques mètres de diamètre. Et Sylvain Boulavou, qui est, est-ce que je dois le dire, météoritologue, ça existe? Moi, je suis plutôt, cratérologue ou planétologue, parce que souvent, en fait, il n'y a pas de météorites quand il y a des cratères. Donc, en tout cas, à la fin, vous êtes ologue. Voilà, c'est je suis ologue. Mais c'est vrai qu'il y a... Est-ce que vous en apprenez plus sur les météorites grâce à la Lune qui ne les consomme pas par son atmosphère que par les météorites qui arrivent sur Terre, où l'atmosphère les volatilise? En fait, on a appris quand même beaucoup sur la Lune grâce aux échantillons ramenés par les missions Apollo. C'est-à-dire pas des tonnes, ça. C'est quelques centaines de kilos. C'est quand même 380 kilos. Hein. Donc 380 kilos de roches qu'on a extrait et on connaît l'endroit, parce que ça c'est extrêmement important. Quand vous allez sur Terre, si je vous donne un caillou et que je vous dites bon voilà, ça vient de la Terre, vous n'allez pas raconter grand chose, il vous faut le contexte géologique. Et c'est la même chose quand vous trouvez une météorite lunaire dans le désert, bon bah c'est super, vous savez que ça vient de la Lune, mais vous ne savez pas d'où il vient. Ce qui a été fantastique avec les missions Apollo, c'est de pouvoir échantillonner à des endroits dont on connaît le contexte géologique. Et ça, on en parlera peut-être plus tard, mais ça nous a offert un chronomètre géologique pour dater les surfaces planétaires dans tout le système solaire. S'il y a une chose que je veux garder des missions Apollo, pour ma science personnelle, c'est ça, c'est que grâce aux datations des échantillons lunaires, on a pu offrir un chronomètre qui nous permet aujourd'hui de dater, par exemple, la surface de Mars. Et ça, c'est incroyable. Si aujourd'hui, on nous dit qu'il y a du volcanisme sur Mars, il y a 200 millions d'années, c'est grâce aux datations des roches lunaires grâce aux missions Apollo. Ça veut dire que ce qu'on a appris scientifiquement sur la Lune permet de comprendre ce qui se passe sur d'autres planètes. Exactement. D'autres satellites de planètes également. Jean-Philippe Buzan. Il a fallu calibrer cette échelle de temps. Alors sur Terre, on a l'échelle de temps géologique, mais à cause de l'activité de la Terre, en fait, on efface, on érode et ainsi de suite. Sur la Lune, c'est pas le cas. Et quand on voit, en fait, à partir du moment où tu as ces datations avec des échantillons et ensuite que tu regardes les cratères, quels cratères se surimposent au tel, la statistique de la taille des cratères, on va être capable de faire une échelle de temps que l'on va pouvoir ensuite appliquer dans tout le système solaire. C'est bien du fait que la Lune n'évolue pas à part par le fait des impacts qu'elle reçoit, mais tout dans sa dynamique propre, il n'y a pas d'évolution comme sur la Terre. Voilà, tout à fait. Donc là, tu es plus spécialiste que moi, mais le flux météoritique en fonction du temps peut être reconstruit, j'imagine, sur la taille de ces météorites en fonction du temps. Et donc, ça va vous donner une idée de l'activité des astéroïdes dans le système solaire. Et ça, c'est tout à fait lié à l'évolution de notre système solaire. Excusez la naïveté de ma question, mais est-ce que la Lune a le même âge que la Terre? Alors, la Lune est plus jeune que la Terre. Un biberon plein. Alors, ça dépend ce que vous appelez la Terre, parce qu'en fait... voilà, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que la Terre a commencé à s'accréter il y a 4,567 milliards d'années. Elle s'est vraiment formée en tant que planète, peut-être autour de 4,5 milliards d'années. Puis elle était tranquille, et à un moment donné, on est venu la rembêter avec un impact géant qui a finalement reformé la Terre. C'est-à-dire que au moment où la collision de ce corps qu'on appelle Théia, qui faisait la taille de la planète Mars, cet impact était tellement gigantesque que la Terre, après cet impact, ne ressemblait plus à la Terre d'avant. Donc on a eu la formation de la Terre, qui a forcément perdu un peu de la matière pour former la Lune, et puis effectivement, cette Lune qui est née, voilà, peut-être autour de 4,4 milliards d'années. Donc c'est vrai que cette Terre a évolué, et notamment la collision qui a donné la Lune a joué un rôle énorme dans l'évolution de la Terre. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Jean-Philippe Puzan, imaginez, c'est une expérience de pensée, oui, que je sois un enfant à qui on explique que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Et il devrait en déduire, s'il avait quelques connaissances en physique, que du coup, le ciel qu'on voit depuis la Lune est toujours noir. Oui. Qu'est-ce que vous lui diriez en termes d'explication? Qu'est-ce que je dirais en termes d'explication par pourquoi rapport à pourquoi c'est noir dès lors qu'il n'y a pas d'atmosphère? Ah, très bonne question. Pourquoi c'est pas noir quand il y a l'atmosphère, pour dire pourquoi les c'est pas noir? Donc déjà, il faut, qu'est-ce que c'est que de voir quelque chose? Donc c'est recevoir de la lumière dans son œil. Alors c'est noir, sauf si on regarde dans la direction du soleil, auquel cas, ensuite c'est noir parce qu'on n'a plus d'yeux. Donc ça, c'est aussi une des premières choses de l'astronomie. Il y a une très belle photo dans un livre que je vous recommande qui s'appelle Mission sur la Lune. On voit un astronaute, je sais plus lequel, qui met sa main devant son casque pour, ne pas être aveuglé par le soleil. Tout à fait. Donc la chose, c'est que si vous voulez voir un objet qui brille, il faut regarder dans la direction de cet objet qui brille. S'il se passe rien entre la source de lumière et votre œil. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est très difficile, je pense, à comprendre, c'est que dès que la lumière va traverser un gaz sous certaines conditions, il va être diffusé. Et donc la lumière ne va pas apparaître directement dans la direction de la source. C'est pour ça qu'on voit le ciel. On peut même expliquer avec ce que l'on sait de l'électromagnétisme pourquoi le ciel est plutôt bleu dans la journée, plutôt rouge au moment d'un coucher de soleil. Donc ça, c'est de la physique que l'on connaît, c'est de la physique vraiment classique que la plupart des étudiants qui vont faire une première année de fac ou une classe préparatoire comprennent, un peu technique cependant. Et donc, on sait que l'atmosphère et sa composition chimique va vous donner la couleur de votre ciel. Et si vous n'avez pas cette atmosphère, eh bien, il y a simplement, si vous regardez dans la direction des étoiles que vous allez voir des points lumineux, ou dans la direction du soleil, où là, vous allez voir un disque qui va être très très lumineux. Autre question pour laquelle je réclame une réponse claire. Claire. Bon. Pourquoi est-ce que la Lune nous montre toujours la même face? Ah ah. La Lune nous montre toujours la même face parce que elle a arrêté de tourner. Alors, ça, c'est la première. Alors, pourquoi est-ce que la Lune aurait arrêté de tourner? Mais un mouvement de rotation est relatif. Alors, c'est ça. Donc, la Lune tournait sur elle-même comme la Terre tourne sur elle-même. Et en fait, cette force de... Il y a ce qu'on appelle les forces de marée. Et ça, si vous êtes allé au bord de la mer, vous avez les marées. Et il va y avoir une dissipation d'énergie. Ce qui fait que les corps ont tendance à se ralentir, à ralentir leur rotation. La Lune étant plus légère que la Terre, elle s'est ralentie. Et en fait, maintenant, elle tourne sur elle-même. Elle fait un tour sur elle-même, sur le temps qu'il lui faut pour faire un tour autour de la Terre. Donc elle nous montre toujours la même face, on appelle ça une rotation synchrone. La Terre elle-même s'est ralentie. Aujourd'hui, on a 365 jours par an. Je crois qu'il y a 2 milliards d'années, on devait être à quelque chose comme 400 jours par an. Donc la Terre tournait beaucoup plus vite sur elle-même. Donc ce sont les effets de marée qui font que la rotation des corps célestes se ralentit. Mais cette synchronisation qui s'est faite au cours du temps, va-t-elle demeurer toujours ? Oui, elle va demeurer toujours. C'est-à-dire que maintenant, la Lune est en rotation synchrone, la Terre continue à se ralentir, ce qui fait que la Lune aussi s'éloigne un petit peu de la Terre, environ 3 cm par an, mais on va rester dans cette relation synchrone. La Lune nous montre toujours la même face, ça veut dire que l'autre face nous est constamment cachée. Et Mike Collins, qui était dans la mission Apollo 11, a fait le tour de la Lune pendant que ses deux camarades étaient posés sur la Lune. Et il raconte ceci... Je suis seul maintenant, donc il est en train de tourner autour de la Lune du côté de la face cachée. Je suis seul maintenant, vraiment seul et isolé de toute vie connue. C'est moi la vie, écrit-il. S'il fallait compter, ce serait 3 milliards plus 2 êtres humains de l'autre côté de la Lune et plus un dieu je ne sais quoi de ce côté-ci. Et il conclut, j'aime ce sentiment. Il avait l'impression d'être le seul humain de l'autre côté de la Lune, tous les autres étant de l'autre côté. C'est un sentiment, je crois, qu'on peut avoir. Comment est-ce qu'on fait pour pas avoir la trouille dans ces conditions? On a la trouille, mais je pense que plusieurs de nos auditeurs l'ont déjà eu. Si vous vous retrouvez tout seul en haut d'une montagne, au milieu d'un désert, vous êtes, voilà, vous avez personne avec qui parler, vous êtes isolé. Et c'est là qu'on sent sa dimension aussi humaine et qu'on ressent aussi l'importance des autres. C'est-à-dire que être humain, c'est pas être humain seul, c'est être humain avec les autres. Et je pense mais que lui, c'est il n'avait aucune communication avec il la Terre. Il n'avait aucune communication possible avec la Terre. Donc là, il a été pendant un certain temps complètement isolé. Et je pense que si certains d'entre vous avaient déjà fait des randonnées d'une journée ou deux, et pendant ce temps-là, vous ne rencontrez personne, il n'y a personne avec qui parler, vous êtes tout seul. Dans un lieu un peu isolé, vous avez vraiment la dimension de qu'est-ce que je suis seul au milieu de cette nature. Je pense que c'est les grands explorateurs. On doit ressentir en fait sa singularité, mais aussi la nécessité des autres humains pour être soi-même vraiment humain. Est-ce que vous avez une bonne estimation du courage qu'il a fallu aux premiers astronautes? Par exemple, ils ne savaient pas quelle était la nature du sol lunaire. Est-ce qu'il était sablonneux? Est-ce qu'il était dur? Est-ce que le LEM allait s'enfoncer de plusieurs mètres? tout était nouveau, quoi. C'était incroyable. Déjà, c'est quand vous regardez la fusée Saturne V. Cette fusée Saturne V, elle est absolument incroyable. Elle fait 110 mètres de haut. Quand vous voyez la capsule lunaire, le module lunaire qui fait quelques mètres, et que vous êtes trois mecs à vous asseoir sur une fusée de 110 mètres et à partir, il faut quand même, beaucoup de courage, hein. Et c'est pareil pour tous. C'est-à-dire que toutes les manœuvres ils ont réalisé, ils étaient les premiers à le faire, quasiment. Ils sont restés 2 heures. 120 minutes. Ouais, et puis déjà, il fallait y aller. Pour reposer le module lunaire, Neil Armstrong qui a repris en manuel l'alunissage avec un niveau de carburant qui il lui restait quasiment plus rien au moment de l'alunissage. C'est fabuleux. Ce sont des premiers, voilà. Et évidemment qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Mmh. Et sur l'alunissage, effectivement, ça, la surface, ce régolithe lunaire, cette poussière complètement qui recouvre quasiment toute la surface de la Lune, effectivement, on ne savait pas à quoi s'attendre. D'ailleurs, quand on voit les images où il descend l'échelle, au moment de poser le pied, on a l'impression qu'il hésite un peu. Ouais. Et puis, si vous regardez, il y a quand même l'échelle est très haute, c'est-à-dire qu'il fait un grand bond. Et parce qu'on pensait justement que le LEM aurait pu s'enfoncer dans la poussière. Donc, on avait prévu quand même une différence qui permet d'assurer l'atterrissage pour pas que l'échelle se plante. Et donc, effectivement, le saut, quand même, c'est un premier. C'est pas un premier pas, c'est un premier saut sur la Lune. Alors, quand on est sur la Lune, on a la même masse que sur Terre, évidemment, mais on n'a pas le même poids. L'accélération de la pesanteur est 6 fois plus faible. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut s'entraîner sur Terre à marcher sur la Lune? Alors, je pense pour tenir compte de cette différence de gravité. Donc l'attraction de la Terre est 6 fois plus forte que celle de la Lune, hein, sur notre corps. Et donc, il va falloir, d'une certaine façon, compenser le poids. Donc il va falloir de façon artificielle réduire l'attraction gravitationnelle de la Terre, de la pesanteur. Pour cela, on peut faire ça de plusieurs façons. Si vous êtes dans une piscine, par exemple, vous avez la force d'Archimède. Donc là, vous allez avoir un poids effectif qui va être beaucoup plus faible. Bon, alors vous avez l'eau qui fait du frottement. Vous pouvez vous mettre dans des... Alors ça, c'est plus difficile à faire. Faire un vol parabolique. Donc pendant un certain moment, l'accélération de l'avion... Mais là, on marche pas. Non, là, on marche pas. Donc ça a dû être quand même un choc physique. Mais il y a eu des entraînements en piscine, ça c'est... Mais il y a eu les entraînements, mais quand même les témoignages des premiers, hein, disent bien qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre. Finalement, c'est une bonne surprise. C'est-à-dire que quand ils se déplacent, ils se rendent bien compte quand même qu'ils arrivent facilement à se déplacer et ça faisait partie de leur entraînement et finalement ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Donc cette sensation quand même de marcher à la surface de la Lune, ça a été quelque chose quand même de nouveau aussi pour ces astronautes. Oui, tout était nouveau. Et en fait, vous parliez de courage. Moi, je pense que c'est plutôt de l'inconscience à un certain niveau. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont fait technologiquement et scientifiquement, ils ont essayé d'évaluer tous les risques, mais il y a un moment, vous ne savez pas. C'est-à-dire qu'il faut le faire. Et je crois qu'il y a quelque chose de commun à tous les grands explorateurs, que vous alliez sur la Lune, vous soyez le premier à essayer de traverser l'Atlantique, vous savez pas d'ailleurs combien de temps ça va prendre, quelles ressources. Vous avez mis tout de votre côté, étant donné ce que vous savez, et il y a un moment, il faut y aller. Et je crois que c'est ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité, qu'il y a des gens qui pouvaient pas s'empêcher de le faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le principe de précaution, on pourrait enclencher une telle aventure? Là, le principe de précaution, il s'applique au niveau de la communauté et pas de l'individu. C'est-à-dire que c'est l'individu de choisir à un moment quel va être son destin. Je pense qu'il y avait bien sûr, ils avaient en tête le fait que peut-être ils n'allaient pas revenir. Il fallait pouvoir être sûr qu'on allait décoller, qu'on allait pouvoir revenir. Et c'était quelque chose qui, à mon avis, a dû être discuté en interne. Ils en étaient tout à fait conscients. Et là se pose un problème éthique. Est-ce qu'on prend le risque qu'à un certain moment, 2 personnes, 3 personnes ne reviennent pas? Il y a eu des morts dans les missions précédentes. Donc, Apollo 1, 3 morts sur Terre, pour le coup. Sur Terre. Mais c'était dans cet élan-là. Donc, on sait très bien qu'on prend un risque. Et si on prend un risque, oui. Combien d'hommes ont marché sur la Lune, Sylvain Boulet? Ils sont 12 à avoir marché. Hein, donc, on ne connaît qu'un nom, 2 noms, peut-être Armstrong, Aldrin. Ouais, ça c'est étonnant, effectivement. On pourrait faire l'effort d'apprendre. On connaît bien des dizaines de poètes, des dizaines d'écrivains, et finalement, il y a 12 hommes qui ont marché sur la Lune et on ne connaît pas leur nom. C'est assez paradoxal, et pourtant, c'est quand même les derniers aventuriers à avoir fait quelque chose de sensationnel. Quoi. Oui, on connaît le dernier, les derniers aussi. Effectivement, mais c'est vrai que c'est une véritable aventure. Il y a eu ce contexte qui, au bout d'un moment, la médiatisation d'Apollo 11 était très très forte. Et puis au fur et à mesure, le grand public a perdu un petit peu de son intérêt au fur et à mesure des missions. Il y a eu Apollo 13 quand même. Il y a eu Apollo 13, effectivement. Après Apollo 15, 16, 17, on a fait quand même... terminé. Oui, tout à fait. On a fait rouler une voiture aussi quand même. Ça, c'est le Jeep lunaire, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ils ont réalisé plusieurs dizaines de kilomètres à la surface de la Lune. Rien que ça, ça devrait fasciner. On a eu une Jeep, on a ramené une Jeep et là, on a roulé à la surface de la Lune. Ça, c'est quand même assez incroyable. Mais comme souvent, tu sais, tu te rappelles des premiers, quoi. Le premier qui a traversé l'Atlantique, le premier qui a été au pôle. Tu te rappelles des premiers, ceux qui ont ouvert la voie. Mmh. Et en fait, il y a peut-être ce point qu'on discutait tout à l'heure. Les premiers prennent tous les risques. Parce qu'on ne l'a jamais fait. Une fois qu'on l'a fait, qu'on est revenu, qu'on a l'expérience des premiers, on sait de quoi est fait le sol, on sait quels vont être les problèmes, et quelque part, mais on est plus... On peut pas se remettre dans les situations psychologiques. Tout à fait. Qu'avaient les premiers qui l'ont fait, parce qu'on a l'impression que c'est devenu une sorte de routine, oui. Et que les peurs initiales ont été balayées par l'expérience. Oui, mais je pense que c'est aussi pour ça que, avec la couverture médiatique, à un moment, ça s'est un peu étiolé, cette appétence des gens pour les missions sur la Lune. Mais on pourrait imaginer que ça se réactive à propos de Mars, par exemple. Mais je pense que oui. Même la Lune, moi je suis persuadé que demain le retour sur la Lune va être passionnant. Enfin, moi je serai le premier aux premières loges de voir ça. C'est-à-dire, oui. J'ai pas vécu il y a 50 ans, je veux voir un nouveau pas sur la Lune. Et ça c'est quelque chose. Et peut-être qu'on va pouvoir le tourner autrement. C'est vrai que du point de vue médiatisation, on filmait les astronomes lunaires, mais quand ça durait quelques heures, bon bah il se passait pas non plus grand-chose. Il y a une façon aussi de communiquer qui serait peut-être différentes et de montrer un petit peu l'intérêt de tout ça. Donc c'est vrai que... On a l'impression que vous rêvez là. Et justement, on va écouter un morceau de musique qui a été choisi par Jean-Philippe Uzan qui s'appelle Un rêve, d'un compositeur qui s'appelle Fabien Waxman. Il était nuit. Ce furent d'abord. Ainsi j'ai vu. Ainsi je raconte, ainsi j'ai vu, ainsi je raconte, ainsi j'ai vu, ainsi je raconte. Une abbaye aux murailles, les heures des pins, la lune, une forêt percée de sentiers tortueux, et le morimo, broyant de cap et de chapeau. Ensuite, ainsi j'ai entendu, ainsi je raconte, ainsi j'ai entendu, ainsi je raconte, ainsi j'ai entendu, ainsi je raconte. Le glas funèbre d'une cloche auquel répondaient les sanglots, sanglots funèbres d'une cellule, sanglots funèbres et glas funèbres, des cris plaintifs, des rires féroces. Des cris plaintifs, tout frissonnait chaque feuille, le long d'une remède. Et les prières bourdonnantes des pénitents noirs qu'accompagnait un criminel au supplice. Ce furent enfin. Jean-Philippe Uzan, c'est vous qui avez choisi ce morceau intitulé « Un rêve » de Fabien Waxman. Il y a sûrement des raisons personnelles et peut-être... Alors déjà, Fabien Waxman, oui, c'est un ami. Déjà, c'est un compositeur français. Il est aussi professeur au Conservatoire de Paris. Et c'est vrai que c'est aussi un ami. On travaille ensemble depuis plusieurs années. Et c'est un musicien, un compositeur qui est passionné d'astronomie. Et moi, j'étais plutôt de l'astrophysique, passionné de musique. On s'est rencontrés. Il y a eu ce genre de connexion qui se passe parfois entre des gens qui ont des passions croisées comme ça. Et parmi ses compositions, il a écrit quelque chose qui vous plairait beaucoup, qui s'appelle Protonic Game, qui a été créé par l'orchestre de Radio France, où on est plongé à l'intérieur de l'accélérateur du CERN, et on a un orchestre symphonique qu'on entend. On entend les particules tourner, les collisions. Il a travaillé aussi sur Encelade avec une pièce qui s'appelle Frozen in Time, où on a des marées gravitationnelles. On a les geysers d'Encelade et on a travaillé un petit peu ensemble autour des ondes gravitationnelles. On a créé une pièce qui s'appelait Le baiser de la mort pour quintette avec piano. Et là, on est en train de finir une série de mélodies en l'honneur de Stephen Hawking. Donc, pareil, piano et chant. Et tout ça dans des journées qui ne font que 24 heures. Qui ne font que 24 heures, mais quand vous faites des choses avec des amis, vous passez du bon temps et les journées font plus que 24 heures. Mais c'est pas dû à la relativité. C'est pas dû à la relativité. Alors, disons une autre relativité. Je voudrais qu'on parle un petit peu de, justement, de la science qu'on peut faire sur la Lune ou avec des instruments installés sur d'autres planètes. Dans la mission Apollo 15, il y a eu une expérience très pédagogique qui a été faite par l'un des astronomes, des astronautes, qui s'appelait Scott. Il était là devant son module qui s'appelle le Falcon, le Faucon, face à la caméra, et il s'adresse aux téléspectateurs en disant ceci: bon, dans ma main gauche, j'ai une plume, dans ma main droite, un marteau, et je présume que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui avec mon camarade, c'est un certain monsieur nommé Galilée, qui il y a longtemps a fait une découverte plutôt significative quant à la chute des corps dans des champs de gravité. Et nous avons pensé quel meilleur endroit pour confirmer ces trouvailles que la Lune. Là, il observe un court silence, tend ses deux bras devant lui et poursuit. Eh bien, nous avons pensé que nous allons essayer ici sur la Lune. Il se trouve que de manière appropriée, je traduis maladroitement, la plume est une plume de faucon en hommage à notre Falcon. Je vais laisser tomber les deux et en principe, ils vont toucher le sol en même temps. Il laisse s'écouler une quinzaine de secondes et dit « voyons ça ». Dès qu'il relâche les doigts de ses deux mains simultanément, le marteau de 1,32 kg et la plume de 1,2 g chutent verticalement vers le sol, et en l'absence d'atmosphère pour freiner la plume, les deux objets attirés par la même force de gravité touchent l'une en même temps, ce qui prouve que Monsieur Galilée avait raison dans ses découvertes, dit ce certain Scott. C'est ça. Donc ça, c'est des choses qu'on aurait pu prévoir pour le coup. Mais est-ce qu'il y a des expériences qu'on pourrait faire sur la Lune qui nous apprendraient des choses en matière de physique fondamentale, notamment pour la détection des ondes gravitationnelles? Oui, alors je parle des ondes gravitationnelles, je voudrais juste rebondir sur ce petit passage. Rebondir? Oui, je rebondis sur la Lune, comme la gravité est plus faible, on rebondit quand on essaie de se poser. Donc ils ont testé ce principe qu'on appelle l'universalité de la chute libre. Tous les corps tombent de la même façon. Que Galilée a découvert alors même que à l'époque on ne pouvait pas faire le vide. Tout à fait, tout à fait. Donc ça c'est aussi la puissance de l'esprit. On n'a pas toujours besoin de l'expérience pour arriver à la conclusion. Donc c'est très pédagogique, on voit le film, vous pouvez le voir sur les archives de la NASA, on voit les objets tomber, et donc c'est une démonstration comme on le ferait en TP dans des tubes à vide. Ce qui est plus important, c'est que les missions Apollo ont déposé sur la Lune des miroirs qu'on appelle des rétroréflecteurs, et ces miroirs, on peut les viser à partir de stations laser. Il y en a plusieurs dans le monde, en particulier à l'observatoire de Grasse. On calcule le temps aller-retour de ce faisceau laser et on mesure la distance Terre-Lune avec une précision de 1 cm à peu près, et ceci depuis 30-40 ans. Et bien avec cette mesure-là, vous allez vérifier que la Lune et la Terre tombent exactement de la même façon dans le champ de gravitation du Soleil. Donc ce principe de cette universalité de la chute libre de Galilée... C'est que la Terre joue le rôle du marteau et la Lune joue le rôle de la plume. Tout à fait. Et là, vous allez vérifier que ça tombe exactement de la même façon, alors pas approximativement, mais avec un 1 derrière 13 zéros. Précision diabolique. Précision diabolique, et c'est une mesure qui est un des tests de la relativité générale les plus importants. Alors, principe d'équivalence, qui est une généralisation de cette universalité de la chute libre. L'année dernière, on a amélioré cette mesure d'un facteur 10, donc 10 fois plus précis, grâce au satellite Microscope qui a été lancé en 2016. Donc vous voyez, là on a utilisé deux corps célestes pour faire une expérience de physique qu'on ne peut pas faire en laboratoire. Et ce qui est joli, c'est que on connaît cette expérience, on la voit, et on ne se rend pas compte que finalement c'est la version pédagogique de l'expérience que l'on a fait scientifiquement. Mais est-ce qu'il y a des expériences aussi fondamentales qui pourraient être faites grâce à la Lune? Des expériences. Donc il y a eu. Alors, avant cette émission, on a parlé rapidement d'une tentative de détection des ondes gravitationnelles. Voilà, que je ne connaissais pas. Je me suis un peu documenté rapidement. Et donc c'est ce Lunar Surface Gravimeter. Donc Apollo 17. Apollo 17. Donc j'ai regardé l'article, donc qui est co-signé par un certain nombre de personnes, et le responsable de cette expérience, c'est John Weber, donc une personne qui s'intéressait à la détection des ondes gravitationnelles avec des barres qu'on appelle des barres de Weber. Et l'idée, c'est que si vous avez un objet massif au passage d'une onde gravitationnelle, cet objet l'objet va vibrer. Et donc, on peut essayer de voir si on détecte la vibration de ce corps, et en particulier la chaleur qui serait produite quand ce corps vibre. Et donc, il a l'idée de mettre un détecteur gravimétrique, donc qui détecterait l'équivalent d'ondes sismiques à la surface de la Lune, en disant que le détecteur, ça serait la Lune, que si on avait une onde gravitationnelle qui arrivait, ça ferait vibrer la Lune, et on aurait des oscillations de la surface, et on serait capable de mettre en évidence la vibration de cette surface, alors que ceci est impossible sur Terre, parce que l'activité sismique est telle sur Terre que c'est inimaginable. Alors, c'est très extrapolé, c'est-à-dire que pour que ça puisse être en œuvre, il faudrait des ondes gravitationnelles qui soient vraiment d'une intensité qui est beaucoup plus grande que celle que l'on connaît aujourd'hui. On voit la sophistication qu'il a fallu avoir pour les détecter dans les années récentes. Mais c'était cette idée-là que ce corps va pouvoir être utilisé de nouveau comme un détecteur. Donc ça, c'était vraiment une idée très intéressante. Je vais l'étudier un peu plus parce que voilà, je l'ai un peu découverte grâce à vous. La Lune. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à moi parce que j'ai lu un livre qui raconte toutes les missions à Apollo en grand détail, qui a été écrit par Philippe Henarios et qui s'appelle Ils ont marché sur la Lune. Il fait le compte rendu presque minute par minute de chacune des missions Apollo. Voilà, et je pense que si on va regarder en fait les logs de tout ce qui a été fait sur la Lune, il y a pas mal d'expériences de physique qui ont été faites. La géologie, avec comme tu le disais Sylvain, ça a été vraiment ce qui reste au niveau le plus médiatique. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'expériences de physique où en fait, si on n'est pas spécialiste de ce domaine de la physique, on ne sait pas qu'on a été l'affaire sur la Lune, parce que faire des expériences en gravité réduite, c'est toujours quelque chose d'important. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de collègues qui rêvent de retourner sur la Lune pour des raisons scientifiques, et en particulier de se dire on aimerait construire un radiotélescope sur la face cachée de la Lune, donc mettre des antennes sur la face cachée de la Lune. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va être écranté de tous les signaux parasites. Les Chinois ont posé quelque chose sur la Lune récemment, ils ont même mis une antenne qui permet de communiquer, donc qu'est-ce qu'ils attendent de ce genre de projet? Est-ce que c'est montrer simplement leur force technologique, ou est-ce qu'il y a des ambitions scientifiques derrière? Je pense qu'à court terme, c'est d'abord de montrer qu'on est capable de le faire et qui sera le premier. Il y a des gens qui veulent mettre la 4G ou la 5G sur la Lune. Donc là, je pense qu'on est un peu dans le fantasme de ce que c'est que cette Terre-là, un petit peu nouvelle frontière à la façon américaine. C'est-à-dire qu'on va montrer que là-bas, ça y est, on a amené d'une certaine façon une sorte de civilisation. Aujourd'hui, c'est une civilisation technologique. Mais là, le projet de construire un radiotélescope, c'est donc paver une partie de la surface de la Lune par des antennes. Et ce qui est important dans un radiotélescope, c'est la surface de ce télescope. Et là, vous allez pouvoir paver une grande partie de la surface de la Lune. Et un radiotélescope, ce sont juste des antennes, c'est pas comme un télescope optique où vous avez le miroir, vous devez viser, il y a besoin de finalement d'avoir des opérateurs. C'est quelque chose qui va pouvoir fonctionner de façon quasiment autonome et qui permettrait d'aller poser des questions que nous ne sommes pas capables de poser aujourd'hui, en particulier au niveau de l'astrophysique, d'aller chercher un certain nombre de signaux en ondes radio qui nous apprendront des choses finalement sur ce qu'on appelle la période sombre de l'histoire de l'univers avant les 400 000 ans après le Big Bang. Voilà, tout à fait. Et donc on pourrait aussi photographier des trous noirs avec une meilleure précision. Tout à fait, on pourra faire ça probablement. Je sais pas si un jour on pourra faire de l'interférométrie entre un radiotélescope sur la Lune et un radiotélescope sur Terre. Donc là, l'expérience qui a été faite d'interférométrie, eh bien la distance de base va devenir 350 000 km. Donc on voit qu'on a des potentialités pour faire des choses très intéressantes. Sylvain Boulet, vous êtes plutôt géologue, quand on est géologue pour la Lune, ça s'appelle comment? Lunologue? Géologue lunaire ou planétologue, voilà, il n'y a pas... Alors, quelles sont les questions que, dans votre discipline, on se pose à propos de la Lune et d'autres planètes du système solaire, notamment sur leur composition chimique, par exemple? En fait, je pense qu'on a à peine effleuré la Lune, en fait, dans les années 60, avec ses missions Apollo. C'est-à-dire qu'on a certes échantillonné la Lune à 6 endroits, mais on est loin de connaître toute la Lune. On sait qu'il y a des cavités souterraines, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'il y a de l'eau au pôle, d'où elle vient. On voit cette dissymétrie. Mais de l'eau sous quelle forme? Sous forme de glace. Ouais. Mais il y a quand même un peu de glace, quand même, d'eau glacée au niveau des pôles. On voit bien qu'il y a une dissymétrie entre une croûte très épaisse du côté de la face cachée et une croûte assez fine au niveau de la face visible. On commence à comprendre les mécanismes, mais c'est pas simple. La structure interne, c'est pareil, on comprend pas tout. Une des choses assez fantastiques, c'est qu'on a détecté du volcanisme assez récent à la surface de la Lune. Donc, quand on a du volcanisme qui a moins d'un milliard d'années sur un corps comme la Lune, on se demande mais comment on fait pour encore avoir de la lave qui coule sur un aussi petit corps. Donc c'est un c'est un corps qui est à côté de nous. Et finalement, on a toute sa surface à explorer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer la Lune en juste en allant échantillonner quelques roches à six endroits. C'est exactement le même principe de se dire, OK, on va faire la géologie de la Terre en échantillonnant à Hawaï, en Inde, en France, en Australie, en Russie, et voilà. Et bah, évidemment, on est loin. Alors certainement, la Terre, évidemment, est encore beaucoup plus complexe que la Lune, mais on a énormément de choses à apprendre. Et c'est vrai que son évolution, notamment ce volcanisme très récent, ça remet en cause quand même pas mal de choses. Donc voilà, on a des forages sur la Lune. Alors on a fait, il y a eu un forage qui a été fait par une mission soviétique qui a permis de forer sur 2 mètres. Donc effectivement, ça a permis d'avoir des informations sur ces 2 mètres. Aujourd'hui, les forages finalement naturels sont les cratères d'impact. Quand vous avez un bassin d'impact qui est sur la face cachée, qui s'appelle le bassin Aitken, qui fait 2500 km de diamètre, quand il s'est formé autour de 4,2 milliards d'années, eh bien, il a détruit complètement la croûte lunaire. Et donc, finalement, il est allé exhumer du matériel très profond mantellique à la surface. Donc, il y a certainement du matériel, voilà, issu du manteau lunaire qui est aujourd'hui à la surface. Donc, allez le trouver, ça va nous donner des informations. Je tiens à rappeler quand même que avant Apollo, on ne savait pas l'origine de la Lune. On pensait que la Lune pouvait être un agrégat de morceaux. On n'avait aucune idée de ce qu'était, par exemple, la différenciation d'un corps. Quand, au moment de la formation des corps planétaires, à partir d'un certain diamètre, eh bien, les liquides les plus denses vont aller au centre du corps pour former les noyaux métalliques, et les liquides les moins denses vont former une croûte et un manteau. Et ce processus, on ne le connaissait pas du tout, ou très peu dans les années 60. Et comprendre que la Lune avait connu ce processus de différenciation, ça a changé quand même beaucoup de choses. Donc ça, ce sont des théories finalement qui sont très très récentes. Et aujourd'hui, l'origine même de la Lune est débattue. Je parlais tout à l'heure de TIA, de cet impact géant. Mais aujourd'hui, certains collègues pensent que ce n'est pas un corps massif, mais plein de petits corps qui pourraient mesurer 500, 1000 km de diamètre et qui seraient à l'origine de la Lune. Donc vous voyez qu'on a encore beaucoup de questions. On parle comme si c'était accepté par tous, mais la science lunaire ne fait que commencer. Il n'y aura que quand on se sera allé balader et installer effectivement peut-être une base spatiale, éventuellement, où on aura accès à la surface lunaire, qu'on pourra commencer à faire véritablement de la géologie lunaire. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors, est-ce qu'il y a des projets, je m'adresse à l'un et l'autre, dans vos communautés respectives, qui utiliseraient la Lune comme soit destination de voyage, soit comme instrument ? Ben, je vous en ai parlé, donc c'est cette idée de faire un radiotélescope sur la face cachée de la Lune. Mais j'imagine qu'il y a d'autres projets. C'est le principal, je veux dire, en physique fondamentale et en astrophysique, c'est vraiment le projet fondamental. J'en connais pas d'autres qui soient, disons, suffisamment avancés pour qu'on en ait débattu. Donc c'est... Au niveau de la communauté déjà française et scientifique générale, on a évidemment envie d'avoir des instrumentations beaucoup plus précises qui permettent de mesurer le champ de gravité, qui permettent de comprendre aussi les interactions de surface, de mesurer le flux d'impact qui on commence à le connaître, mais on a besoin d'instruments qui permettent de localiser les sources. Par exemple, on parlait des flashs lunaires, le fait de connaître la source précisément, si on a un sismomètre à la surface lunaire, ça nous permet de connaître l'intérieur de la Lune. On a eu beau installer des sismomètres lunaires dans les années 70, aujourd'hui on n'en a plus. Évidemment, la technologie des sismomètres est bien différente. Il faut retourner sur la Lune pour installer un sismomètre, et ces flashs lunaires nous permettraient... Mais ça, des robots pourraient le faire. Alors oui, effectivement, mais un robot, ça ne fait pas, ça peut installer un sismomètre, on va avoir des données. Par contre, le travail de terrain, on en a besoin. C'est-à-dire que aller échantillonner, on l'a bien vu hein, sur les missions Apollo. Qui c'est qui a ramené les roches les plus intéressantes? C'est Harrison Schmitt. Harrison Schmitt, c'est le seul géologue des missions Apollo. C'est quelle mission? Apollo 17. L'avant-dernière. Ouais, exactement. Moi, je reviens d'un stage de terrain de 10 jours avec mes étudiants. On leur, ils apprennent à regarder, à reconnaître les échantillons les plus intéressant. Effectivement, la science du géologue est une science d'observation. Et effectivement, si on doit comprendre la Lune, il faut y aller pour observer, parce qu'on va avoir des surprises, c'est sûr. Mais est-ce que vous avez des projets, disons, personnels, qui sont en relation avec la Lune ? Ça c'est une première question. La deuxième, ou la seconde plutôt, ça sera, qu'est-ce que vous ferez le 21 juillet 2019, lors de la célébration du premier voyage d'un humain sur la Lune? Alors des projets personnels, moi j'en ai un qui s'est développé depuis presque 5 ans. Jean-Philippe Buzan. Avec un collectif qui s'appelle Sanctuary, donc c'est pas personnel. Sanctuary. Personnel. Sanctuary, oui. Qui est parti un peu comme une histoire. Le but n'était pas d'aller sur la Lune, en fait. On voulait lancer un objet dans l'espace avec un certain nombre de connaissances. On avait en arrière-plan toutes les histoires de Voyager 70, de Voyager avec le Golden Record, du message d'Arecibo. Donc ce côté un peu. Pour être reconnu d'éventuels extraterrestres. Tout à fait. Et puis en fait, les extraterrestres, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que bon, voilà. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que pour plein de raisons. C'est intéressant dans l'imaginaire, mais dans la pratique, on sait très bien que c'est des bouteilles à la mer qui servent pas à grand chose, si ce n'est à parler de l'humanité. Et en fait, on s'est dit, mais tous ces messages-là, elles nous parlent d'abord de nous, sur Terre, au même titre que quand vous allez rentrer dans une grotte comme la grotte Chauvet, vous voyez les peintures rupestres, ça vous apprend énormément de choses sur les gens qui ont vécu à cette époque-là, qui ont fait ces dessins, au niveau technique, et ce qu'ils étaient capables de faire, mais aussi au niveau de ce qu'ils étaient cognitifs. Et bah voilà, l'idée s'est un peu construite et on a eu une opportunité d'aller déposer un objet sur la Lune. Et c'est grâce aux Part-Time Scientists, qui sont une équipe d'ingénieurs allemands, qui ont développé un module lunaire qui s'appelle Alina, qui va être lancé par SpaceX, et qui a été parti dans le cadre du Google Prize, dont le but était de faire rouler un rover sur la Lune. Bien sûr, le prix est fini, personne ne l'a gagné. Il y a beaucoup de mots anglais, là. Oui, bah c'est ça, ça devient international. Donc quand c'est international, la seule langue dans laquelle les gens sont capables de se comprendre, c'est l'anglais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Peut-être qu'il faut faire quelque chose pour la francophonie, hein, j'en sais rien, mais on pourrait être proactif de ce côté-là. Et donc personne n'a réussi à amener un rover sur la Lune avant la fin de la date limite de ce prix, mais comme ils avaient leur module lunaire, ils vont aller sur la Lune, ils vont se poser à Taurus Littrow, donc qui est le lieu de la dernière mission sur la Lune d'Apollo 17. Et donc dans ce cadre-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on met, parce que maintenant c'est bien beau d'avoir des idées, de rêver comme on le fait souvent, si vous avez l'opportunité, qu'est-ce que vous allez déposer. Et donc là on est rentré dans une réflexion, on était une dizaine, aussi bien des scientifiques, des sociologues, des artistes. L'idée de se dire, on a trouvé une technologie sur laquelle on va pouvoir graver sur des disques de saphir de 9 cm avec une précision de 1 micron. Donc ça va être de la lecture optique, il n'y a pas besoin d'un lecteur de CD, de DVD. Vous allez voir quelque chose, en gros vous faites une mosaïque. Et cette mosaïque, elle est tellement fine que vous allez la voir à l'œil nu. Mais si vous prenez une loupe, vous allez voir plus de détails. Si vous prenez un microscope, vous allez voir encore plus de détails. Donc alors, ça ne préjuge pas de l'instrument qui sera utilisé pour regarder. Il faudra avoir un œil pour être capable de regarder. Alors, ce qui est juste pour que les gens se fassent une idée donc de ce qu'on essaie de faire, chaque disque, les pixels sont en gros de 1 micromètre. Si je prenais des pixels qui avaient la taille d'un centimètre, donc un petit carré d'un centimètre sur un centimètre, ce disque de 9 centimètres va faire 90 mètres de diamètre. D'accord. Donc, vous voyez la taille de la mosaïque que vous allez faire. Et vous vous rendez bien compte que si vous étiez en hélicoptère au-dessus de cette mosaïque de 90 mètres de diamètre, suivant l'altitude à laquelle vous allez vous trouver, vous n'allez pas voir la même chose. Donc, ça, c'est la technologie. On peut mettre plein d'informations. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Et donc, on s'est décidé de mettre plein de choses qui parlent de nous en tant qu'humanité, mais surtout pas de faire une encyclopédie parce qu'on n'était pas représentatif de l'humanité. Nous sommes qu'un petit groupe autodéclaré qui a eu cette opportunité. Donc, on s'est amusé à faire du sort de design graphique, d'avoir des disques qui vont contenir beaucoup d'informations sur ce que l'on sait scientifiquement du monde aujourd'hui, sur l'état de la planète. Donc nous sommes des êtres humains aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique, de la pollution. On voulait avoir une idée de la diversité humaine. Donc comment parler de la diversité humaine? Ça passe par la diversité des langages humains, la diversité des cultures. On a des reproductions d'œuvres d'art. Il y a de la musique codée d'une certaine façon. Donc là aussi, il y a tout un jeu de codage. Et l'idée, c'est d'avoir un patchwork. Et chaque fois, en ayant du design graphique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous balader dans ce disque et découvrir des choses sur ce que l'on sait aujourd'hui de la planète, sur, par exemple, la biodiversité, sur le vivant. Et ça pourrait intéresser les humains. Ben voilà, donc le vrai public, quand je disais que les extraterrestres ne nous intéressent pas, sauf à un niveau, scénaristique, c'est exactement ça. C'est que, imaginons que vous soyez l'extraterrestre, vous allez vous regarder avec ce décalage. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, le premier public va être les êtres humains, parce que les 10 seront, une fois qu'ils seront déposés sur la Lune, seront en ligne, et avec un petit logiciel, vous allez pouvoir zoomer et explorer ce disque. On ne donnera pas d'explication. Comme si on était des extraterrestres. Voilà. Et donc la structure, il va y avoir 10 disques. Il va y avoir 4 disques thématiques avec un thème sur l'espace, un thème sur la matière, un thème sur l'eau et un thème sur la vie. On va avoir 5 disques sur lesquels vont être codés le génome entier d'un homme et d'une femme. On emmène des dessins d'enfants, par exemple, les dessins d'enfants qui ont été faits dans les hôpitaux par l'association Les Petits Cueilleurs d'Étoiles, plusieurs centaines de dessins d'enfants. Et puis le premier disque, on voulait montrer la diversité des visages humains sur notre site web. Les gens ont pu poster des photos d'eux-mêmes, seuls, avec leur famille, avec leurs amis, avec leurs chats, pour montrer cette diversité des visages humains. Parce que c'est très difficile de parler de la diversité. Sur l'être humain, il va y avoir ce que nous sommes en termes, on va dire, biologiquement comme être humain. J'ai parlé du génome, il y a des planches anatomiques avec notre squelette, plein de données sur ce que nous sommes biologiquement, ce qui pourrait être intéressant si on retrouve ces disques dans 100 000 ans ou dans 200 000 ans. Mais ça, c'est l'être humain moyen, ça ne dit rien de la culture. Donc il fallait montrer cette diversité. On a aussi mis des jeux, parce que je pensais que c'était très important de montrer que l'humain joue. Il passe du temps à faire des choses inutiles, donc il y a des choses inutiles. Il y a des, ce qu'on appelle, alors c'est encore de l'anglais, des Easter eggs, mais ceux qui ont vu des films de... savent que ce sont ces, ou des jeux électroniques, c'est des petites choses qui sont cachées à droite, à gauche, de la pop culture. Bref, plein de choses qui parlent de l'humanité aujourd'hui. Et donc, ce voyage qui va déposer ces objets sur la surface de la Lune est prévu pour quand? Alors, c'était prévu pour décembre 2019. Ça sera peut-être janvier 2020. Ça, bien sûr, nous ne sommes pas du tout, maîtres de cette date de lancement, mais c'est d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Ça vous laisse le temps d'ajouter cette émission? On peut ajouter cette émission, voilà, si vous voulez, on va trouver un moyen. Et vous, Sylvain Boulet? Vous avez des projets en relation avec la Lune? Surtout avec le 50e anniversaire du premier pas sur la Lune. En fait, on s'est dit quand même, en 69, il y avait près de 600 millions de personnes qui ont suivi cet alunissage. Et on voulait, en direct, voilà. Et on voulait retrouver un peu cet engouement 50 ans après. Et c'est vrai que cet engouement, on l'a retrouvé dans les rues de Paris, avec Jean-Philippe notamment, depuis 2-3 ans. On pose un télescope sur les quais de Seine. Et se poser un télescope sur les quais de Seine, ça nous fait rencontrer des gens qui, 5 minutes avant la rencontre, n'imaginaient pas que c'était possible d'observer la Lune dans un télescope. Et je peux vous dire que les gens qui se promenaient, et puis d'un coup, ils mettent l'œil à l'oculaire, et là, d'un coup, ils découvrent un monde. Et en fait, ils se retrouvent en orbite lunaire. Et c'est juste incroyable. Les gens sont juste surpris de voir à quel niveau de détail, on peut atteindre avec un simple télescope. Malgré la pollution lumineuse. C'est ça. Et en fait, on s'est dit, mais il y a quelque chose de très simple à faire pour le 50e anniversaire. Il faut juste inviter tous les possesseurs de télescopes du monde entier à sortir dans la rue et à partager la Lune avec les passants. Parce qu'effectivement, en fait, l'objectif, c'est que la Lune soit accessible à tous. On peut organiser une nuit des étoiles où on ouvre notre observatoire où les gens doivent venir. Mais ce sont les gens intéressés qui viennent dans les observatoires. Là, l'idée, c'est que ce sont les télescopes qui viennent vers les passants. Comme le disait Jean-Philippe Puzon tout à l'heure, pour voir la Lune, il n'y a pas besoin de vouloir la voir. Alors, il n'y a pas besoin. Et après, dès qu'on le fait par un télescope, on se rend compte de la différence. Et cette émotion que tu décris, elle est juste extraordinaire. C'est-à-dire que on a vu des gens pleurer, on a vu des gens nous embrasser. Et qu'on il n'y a pas une réticence à aller y voir si on l'a jamais fait, par exemple. En fait, c'est étonnant parce que quand on regarde, on pose le télescope. Bon, premièrement, il y a des gens qui se demandent pourquoi on est là. Deuxièmement, des gens qui se demandent combien c'est si c'est payant. Troisièmement, les gens, est-ce que vous avez mis une image de la Lune devant le télescope? C'est véritablement, on touche à quelque chose de très personnel. En fait, ce qu'on cherche, c'est tout simplement à donner une émotion aux gens, comme devant un beau paysage. Et ça, c'est très simple, en fait. Si parmi les auditeurs, il y a des gens qui ont un vieux télescope dans le grenier, dans le garage, sortez-le, c'est très simple. On n'a pas besoin de grands discours pour expliquer la Lune. Juste fixer la Lune, qui est quand même l'objet le plus facile à pointer avec un télescope, et montrez-le à votre voisin. Et vous allez voir quel étonnement il va avoir. Et ça, c'est vrai que c'est la force de l'astronomie, elle peut se faire partout et effectivement observer la Lune, les planètes. Donc voilà, les 12 et 13 juillet. Donc c'est pas la date exactement. Non, parce que en fait, le 20 juillet, la Lune est observable en deuxième partie de nuit, donc on a voulu que ça soit évidemment le plus populaire possible, donc on l'a mis une semaine avant. On aura une belle Lune gibbeuse, une belle Lune avec des cratères, on verra les jeux de lumière, les jeux d'ombre au niveau du Terminator, voilà. Entre la lumière et la nuit, on verra les grandes mers lunaires, on pourra s'amuser à localiser les sites des missions mission Apollo sur toute cette sur tout le disque lunaire grâce à Descartes. C'est un véritable jeu et voilà, la Lune c'est pas un objet scientifique, il faut pas que ça fasse peur. Effectivement, comme vous l'avez dit depuis le début, elle fascine et en fait, le télescope c'est juste un nouvel outil pour encore être plus fasciné parce qu'effectivement, on a accès à cette surface. Et cette surface, c'est la première fois qu'on se rendait compte finalement que les autres corps pouvaient avoir des reliefs, des montagnes, des rivières de lave. Tout ce qu'on connaît sur Terre, finalement, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut reconnaître sur la Lune. Effectivement, s'imaginer qu'on est en train d'escalader le pic central du cratère Tycho, c'est quand même quelque chose qui est fait du trail à haut niveau. Je suis sûr que vous amuserez à... Bon, mais là, sans gravité, oui, six fois plus faible, ça va être facile gravité, pour lui. Sans gravité, c'est pas drôle, et dans le vide, c'est impossible. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de fascinant et vraiment c'est la façon la plus simple de parler de l'astronomie. On parlait de l'astronomie populaire. Camille Flammarion, à fin du 19e siècle, dans Paris, sortait des gros télescopes. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Donc sortez vos instruments, c'est la façon la plus simple de donner. Vous-même, vous serez où le 12 et le 13 juillet? Alors nous, on sera ceux qui voudraient bénéficier de vos explications. Voilà. Moi, je serai sur Paris. Je serai sur Paris parce que Paris. Voilà, en fait. Alors l'idée, c'est un petit peu ça. On a envie que les gens découvrent et rencontrent les télescopes un peu par hasard. Donc évidemment, on va installer, notamment en collaboration avec la Société Astronomique Française, on va installer entre 10 et 20 télescopes un peu partout à travers Paris, notamment sur les quais de Seine. On aime bien les quais de Seine, on aura un bel horizon. Et voilà, lors d'une balade, en fait, ceux qui ne vont observer sont ceux qui ne savent même pas qu'ils seront encore là ce jour même. Voilà, donc on a juste envie de déclencher une surprise, une belle surprise, ces 12 et 13 juillet. Voilà, nous je crois y serons. Jean-Philippe, hein. Vous serez où, vous? Je serai sur Paris aussi. Et ce que je ferai exactement, je ne sais pas. Je serai sur Paris avec toute l'équipe, parce qu'on est beaucoup d'amis impliqués dans ce projet. Vous dites que ça s'est fédéré à l'échelle mondiale. Alors c'est ça, en fait. Hein, l'objectif, c'était pas de faire ça entre nous. On a voulu le lancer à l'échelle mondiale. Et c'est l'objectif. Hein. Aujourd'hui, il y a plus de 500 événements dans 45 pays aujourd'hui. Donc on veut que ça soit véritablement un événement mondial pendant 2 jours, effectivement des États-Unis à la Nouvelle-Zélande en passant par la Chine et l'Afrique. On veut que les gens se réapproprient la Lune et rêvent ensemble. C'est ça. Et l'idée, c'était vraiment d'inspirer les gens. Nous, on n'organise rien dans les autres pays, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de s'auto-organiser. La seule chose, c'est qu'ils s'inscrivent pour qu'on sache à peu près là où il va y avoir des gens qui vont participer. Mais ensuite, localement, chacun le fait comme il veut. Chacun est libre de s'auto-organiser. Donc ça aussi, c'était l'idée, c'est-à-dire que nous, on a travaillé sur le développement d'un site web qui a été traduit en une vingtaine de langues par des collègues, des étudiants en thèse que l'on connaissait. Et très vite, on est arrivé avec ce site web qui était, complètement mûr, qui pouvait être utilisé et qui a touché des gens dans le monde entier. Mais est-ce que vous allez compter le nombre de gens qui auront regardé la Lune ce jour-là dans un télescope? Ça serait bien de battre les 600 millions de téléspectateurs qui ont vu. Voilà un challenge. 600 millions. C'est un beau challenge. Pour ça, nous, il va y avoir aussi un concours qui va être organisé pendant l'événement. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens non pas de photographier la Lune, mais de se photographier en train d'observer la Lune, de montrer les émotions des gens. Il y aura une belle météorite lunaire à gagner, des télescopes à gagner. Donc ça se gagne une météorite. Exactement. Mais c'est C'est sans doute le seul lunaire. Concours où on peut gagner une météorite. Et puis météorite lunaire, effectivement, qui sera offert gracieusement par Luc Laben, qui est chasseur de météorites. Lui, vous le mettez dans un désert, il a l'œil pour reconnaître les météorites lunaires. Donc oui, c'est vraiment une fête de la Lune et on veut qu'il y ait le maximum de personnes. Donc il suffit juste de s'inscrire sur le site onthemoonagain.org et puis voilà, on s'amusera. Merci à vous deux, Jean-Philippe Usan et Sylvain Boulet. Vous nous avez appris des choses sur la Lune, vous nous avez fait rêver et en plus vous nous donnez rendez-vous pour les 12 et 13 juillet prochains. Nous allons regarder ensemble la Lune. Merci à vous. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Marie Le Peintre et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Renaudibio pour le temps des écrivains.